Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Est-ce que tu préfères que là maintenant on retourne voir Top Gun Maverick en Dolby Atmos, IMAX, tout ça, ou on fait un live dans une cave, dans un bar, un truc un peu glauque avec des gens qu'on connaît pas? Les lives. Allez. I want the truth. First, take a big step back and literally fuck your own face. All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. Mega Man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You. Last chance to walk away. Bonsoir et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Allez, aujourd'hui c'est un épisode spécial, ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas enregistré et là on fait enfin le live de fin de saison, donc 3 mois après la fin de la saison et 3 mois avant la fin de la, le début de la nouvelle saison, voilà. Mmh. Démerdez-vous avec cette temporalité, sachant que là c'est celle pour vous qui êtes là en public, mais pour les gens qui écoutent, ça se trouve c'est complètement autre chose. Bah ouais. Voilà. Si vous écoutez en 2024, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de Tom Cruise dans les années 2000, donc tous les films rétrospectivement de tout ce qui s'est passé dans les années 2000 avec Tom Cruise dedans et qui ressemble à un film. Donc c'est un film, c'est une pellicule qu'on est projeté. Bref, on s'en fout. Et ensuite, on va entremailler ça de quiz divers et variés, de tests de personnalité et autres. Tout ceci dans la joie, la bonne humeur et dans une cave. Oui, super. Ouais, tu sens enthousiasme, quoi. C'est super. Alors, on va démarrer par un petit résumé de Tom Cruise dans les années 2000. Allez. Afin que vous soyez toutes et tous au courant de ce qui s'est passé pour lui. Vie un peu compliquée et tumultueuse. Dans les années 2000, Tom Cruise est un gourou qui a des problèmes avec son père, qui meurt. Le père, hein, pas le gourou. Du coup, il prend des vacances. Mais on lui demande d'aller sauver le monde d'un virus et accessoirement de sauver une meuf des griffes de sa doublure d'agent secret, parce qu'il est agent secret et gourou. Faut suivre. Après ça, il n'a plus besoin de bosser. Il est riche, il est con, et il croise Penélope Cruz. Il fait un rêve chelou, qui est peut-être pas un rêve, mais en fait si, mais en fait on ne sait pas trop depuis quand. Bon, c'en est trop. Il change de job, il devient flic du futur, pour arrêter des gens avant qu'ils ne commettent des crimes. Mais en fait, il va en commettre un lui-même, mais il ne le sait pas encore, tu vois. Donc du coup, dans le doute, il court. Bien abîmé par tout ça, il est maintenant un vétéran de la guerre de sécession, donc logique, puisqu'il était dans le futur, donc il peut aller dans le passé aussi, et il picole. Il retrouve la joie de vivre auprès des samouraïs et apprend les vraies valeurs traditionnelles. Il va lutter avec les bons samouraïs contre les vilains japonais, parce que toi-même, tu sais, il y a le bon et le mauvais japonais. Tout regaillardi de cette expérience, il devient tueur à gages, normal. Et de passage à Los Angeles, il cherche un taxi pour faire sa tournée. C'est tout. On sait aussi que c'est un père de merde. Et parce que, pas de bol, le week-end où il a la garde des enfants, bah bam, invasion extraterrestre. Pas de bol. Ouais, c'est vraiment relou. Il veut se remarier. Il a arrêté toutes les conneries, espionnage, gourou, tout ça. Mais il y a un nouveau méchant, alors qui accessoirement était l'infirmier de son père. Donc c'est un truc un peu bizarre de famille. Le méchant, il cherche un truc. Nous, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais apparemment, c'est dangereux. Du coup, il va aller le buter. C'est vraiment décousu, en fait, fait comme ça. C'est bizarre. Non, c'est bien, c'est bien. Ouais, ça va. Vous, oui. Si vous avez compris, c'est les films. Voilà, c'est bien. Ils sont malins. Ouais. Avec toutes ces expériences acquises, il se lance avec succès dans la politique et devient gouverneur. Il fait une interview avec Meryl Streep pendant que Robert Redford discute avec Andrew Garfield pendant que un noir et un latino se font buter dans les montagnes. Cherchez pas, c'est Hollywood. Tout ça ne lui plaît pas. Mais comme il a deux amours, le cinéma et la guerre, il se lance dans la production de films avec un succès sur la guerre du Vietnam malgré un tournage catastrophique. Ah, et j'ai oublié de vous mentionner qu'avant tout ça, Tom Cruise était un soldat nazi qui a essayé de tuer Hitler parce que... pourquoi pas. Ouh. Voilà. Bravo, bravo, bravo. Ça, c'est fini. Et ça, hop. Voilà, vous êtes à jour. Du coup, Serena, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 2000 pour Tom Cruise et comment tu l'as ressenti ? Première rubrique, hein, on va donner notre petit avis bilan sur Tom Cruise dans les années 2000, ce symbole qu'il est, ouais, qu'il n'est pas, qu'il n'est plus, qu'il sera. Bah, 2000, c'est un peu cata. Ça, ça commence bien, ça commence bien, très bien. Et puis paf, la Scientologie. Et puis paf, la guerre des mondes. Et puis paf, la canapé. Scientologie particulièrement. Ouais. Et ça, ça l'amène dans des limbes. Chez nous, je sais pas. Non, de mais tous les missions impossibles. Du coup, il vire. Avant, il, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, parce que personne n'écoute ces podcasts, mais. À part ma mère. Avant, à part ta mère et ta cousine. Et ma cousine. Tom Cruise, au début de sa carrière, même si on pense que c'est un gros débile, il cherche des réalisateurs qu'il aime, il essaye de vraiment faire du cinéma et tout ça. Après, paf, la guerre des mondes. Tournée comment on dit, de promotion. Des promotions catastrophiques. Sa figure publique est ruinée. Tout le monde les déteste et il décide qu'il ne fera jamais plus de films pour gagner un Oscar, quoi. Ouais, fini l'Oscar. Oui. Pardon ? Oui, oui. Entre autres. Mais il décide qu'il va changer, quoi, qu'il va virer un peu. Il n'a pas trop le choix en même temps de virer. Non, il vire dans sa carrière. Les boîtes de production, sa carrière. Ah, c'est fini. Mais et du coup, il va relancer sur sa carrière de action man, ouais, qu'on aime bien. Mais bon, sur la fin des années 2000, c'est vraiment cata. Valkyrie, ouais, particulièrement, c'était vraiment un coup bas. C'était chiant, je pas détestais. Joli à voir. Voilà. Ouais. Ah non. Ah non. On a des gens qui sont y pas y d'accord. Rien. Il y a rien, il y a rien, ces films. Je suis désolée, j'aime pas. voilà. Donc voilà, c'est pas c'est la pas, fin, c'est pas glorieux. Quoi. C'est pas glorieux. Mais le début était bien. On était ouais, contents. C'était bien début. Parti. C'était ouais. bien. Et après, bof. Ouais, c'est le chaos. Et toi, qu'est-ce que t'as Ben bah, un peu comme toi, quoi. Il y a un côté à la fois très très haut et à la fois très très bas. Ouais. Et puis, mais après ça suit. Je me suis posé la question. Je me pose des questions. Est-ce que c'est pas un peu Hollywood aussi, genre si tu continues le parallèle entre Tom Cruise égale Hollywood? Ouais. Tu sais, c'est Tom, Hollywood prend un peu la confiance, etc. Sauf que t'as le cinéma indé qui monte, les cinémas étrangers qui arrivent, etc. Et Hollywood doit se réinventer, mais n'y arrive pas. Un peu à l'instar de Tom Cruise. Ouh, ça jette un froid, ça. Et alors, hein, qu'il y ait du cinéma ou pas? Là, t'as monté les niveaux, merde. Ouais, on va le redescendre très vite, vous inquiétez pas. Ouais. Donc oui, c'est hyper mitigé, surtout qu'après c'est des choix un peu égocentrés, tu vois, Dernier Samouraï, Valkyrie, tout ça, c'est un peu ouais. Pas ouf. Mais on espère mieux pour la suite. Oui. Oui. Allez. Pour se motiver, nous allons faire un quiz. Oui. Quiz. Pour ce quiz, le premier de la soirée, nous avons besoin de deux personnes. Two people. Allez, c'est simple. C'est très simple, je vous donne quand même oui, vas-y, le donne thème, l'intitulé. Parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Ah, il y a déjà. Ah non, il n'y a pas déjà. Alors... C'est de la bouffe. Quiz. Non, ça c'est des frites. Quiz. Alors, le quiz, il est simple. C'est Tom Cruise, Penelope Cruz ou les deux? C'est bien. C'est pas dur, les règles sont simples. Il nous faut deux personnes, c'est un contre un, sans règles. Et on et gagne un tote bag. On gagne un tote bag, ouais, c'est vrai, on gagne un tote bag de la couleur de son choix. Allez, donc il nous faut deux personnes volontaires. C'est parti. Mais juste pour dire. Allez, allez Brice. Mais il a des... Mais c'est juste. Voilà, on attend. Alors, on allez, attend. Voilà, on a une personne déjà. Allez. Merci, trop cool. Je compte les points. Les deux. Alors, bonsoir. Alors, comment vous prénommez-vous? Dites-le en même temps. Je prends l'avis du public. Lui, il a l'air chaud là-bas sur Tom Cruise. Ouais, toi, ouais. Mais tu parles dans le micro, par contre, parce que... Et tu donnes ton prénom, puisque la première question, c'est comment te prénommes-tu? Dans le micro. J'ai déjà perdu, j'ai l'impression. Juste ton nom. Je m'appelle Tom Brice. Tom Brice. Oh. Enchanté, Tom Brice. Et... Delphine Cruz. Delphine Cruz. Ah, super. Mais c'est marrant, ça. C'est trop bien. C'est pas courant comme nom, en plus. Alors, la règle, elle est, comme qui dirait, simple. C'est-à-dire, c'est, la réponse, c'est Tom Cruise, Penelope Cruz ou les deux. D'accord. C'est simple. Vous allez passer un par un. Et vous allez marquer des points en fonction de si vous répondez bien ou pas bien. Des points. Des points. Attention. Alors, on va commencer par Delphine Cruz. Alors, j'ai trois sœurs. Tom Cruise, Penélope Cruz ou les deux? Tom Cruise. Tom Cruise a trois sœurs. Bravo. Point. Oh point. Oh, je savais même pas. T'as vu? Ouais, c'est bien. Alors, Tom Brice. Sur mon site internet personnel, il y a six fois ma tronche en page d'accueil. Tom Cruise, Penélope Cruz ou les deux? T'imagines une page internet, déjà, il y a six fois la tronche de la personne concernée. Moi, ça me semble beaucoup, mais après, qui je suis pour juger? Les deux. Et non. C'était ouais. Penélope Cruz qui l'a six fois. Tom Cruise, il n'y a que trois fois, dont deux avec un casque. Alors, voilà. J'enrage. Alors, allons-y. Delphine Cruz, s'il vous plaît. J'ai joué au cinéma avec Javier Bardem. Tom Cruise, Penélope Cruz ou les deux? Attention, peut-être il y a des pièges. Ou peut-être il n'y en a pas. Je sais pas. Peut-être il y en a. Penélope Cruz. Et c'était les deux. Ah c'est fair play ici, c'est fair play. Attention. On est comme ça dans la Scientologie. Hein. Tom Brice. Ouais. Attention, c'est compliqué. J'ai joué au Bill Bokeh avec Javier Bardem. Bill Bokeh avec des guillemets. Je pense, ça y est, les gens n'ont pas capté le... Penélope Cruz. Oui, c'est Penélope Cruz. C'est genré comme réponse, désolé. Alors celui-là, il est top of the top. Il y a un site internet français à mon nom qui parle d'un mec et de son bateau. Genre tomcruise.fr ou penelopecruise.fr. C'est un site internet tenu par quelqu'un en France qui parle de lui et de son bateau. Oh. Tom Cruise, Penélope Cruz ou les deux? Il y a un indice, lui. Il y a lui, hein, t'as pas dit elle. Ah, bah, les deux. Peut-être. Peut-être pas. Tom Cruise. Et non, c'est Penélope Cruz. Si vous allez. Honnêtement, parce que c'est vraiment comme quoi tu cherches un quiz et tu trouves sur des trucs. J'ai tapé penelopecruz.fr, je suis tombé sur ce mec qui dit ouais, je suis parti de la Barbade hier. C'est génial. C'est bien. Aucune photo de Penélope Cruz, rien. C'est son bateau, ça s'appelle Penélope, je crois, un truc comme ça. Bref. C'est pour ça qu'elle a mis, elle a mis 6 sur sa page d'accueil. Ouais, pour compenser le. Oui, c'est ça, penelopecruz.com, il y a des photos d'elle. Hein. Ouais, voilà. Tom Brice. Putain, t'as toutes les questions faciles en fait, c'est nul. Comment ça? À la fin des années 2000, j'ai tué 166 personnes au total dans tous mes films. Tom Cruise, Penélope Cruz ou les deux? Tom Cruise, quand oui, même. Oui, c'est Tom Cruise. Ah ouais. C'était le compteur de Penélope Cruz était à zéro. Je suis désolé, vraiment, Delphine, c'est les questions les plus compliquées. Ça va, vous êtes deux pour Tom Brice et un Delphine Cruz, ça va. Alors, moi, je tiens à dire bonjour à Laurent Deville. Voilà. Ah, bonjour, Laurent Deville. Mon idole. Delphine, je suis la première actrice espagnole à gagner un Oscar. Attends, pas facile. Ouais, il y a un piège, il y a un piège. Faut pas se fier, hein. Je dirais quand même Penélope Cruz, oui, mais... Bravo. C'était peut-être la plus compliquée. Ouais. Attention. Je suis le premier acteur américain. Hein. J'ai 3 nominations aux Oscars et 7 nominations au Golden Globe. Tom Cruise, Penélope Cruz ou les deux? Les deux. C'était Tom Cruise. Penélope Cruz n'a que 2 nominations aux Oscars, mais elle en a un, elle. Et elle n'a que 3 nominations au Golden Globe. Oui, car nous apprenons en s'amusant. Attention, Delphine. Alors, j'ai joué dans un film avec un peuple qui a un nom de sauce de kebab. Genre, tu vois, Gérard Depardieu, il tombe dans le Béarn, la Béarnaise, ça colle. Ok. Alors, Tom Cruise, Penélope Cruz ou les deux? Tom Cruise. Tom Cruise? Eh bien, c'est les deux, puisqu'il y a la sauce andalouse et la sauce samouraï. Il y avait les deux. Il y avait la sauce andalouse. En fait, c'est ça, fallait mieux connaître ces sauces. Non, mais elle n'existe pas, la sauce andalouse. Eh si. Si. Si, si. Laura, tu vas dans n'importe quel kebab, tu demandes la sauce andalouse, s'ils n'en ont pas, ce n'est pas un kebab. Algérien. Alors, Brice, concentrez-vous. Je suis né à Syracuse. I am born in Syracuse. J'élimine les deux. Ce serait quand même dingue. Il a répondu quoi? Tu as dit quoi, les deux? J'élimine les deux. Tu élimines les deux. Tu dis aucun? Aucun, c'est pas possible. Eh bien, je vais dire... je pense qu'il est né dans le Delaware. Donc, je vais dire Penelope Cruz. Penelope Cruz, et non, c'était Tom Cruise. Est une ville des États-Unis. Mais non, il est pas né dans le Delaware. Ah, Syracuse. Ah, dans le Kentucky. Mais on oublie toujours le Kentucky. Alors, attention. C'était Mission Impossible. J'ai plus de 7 voix françaises pour le doublage. J'ai 7 voix françaises officielles de doublage. J'ai 7 voix de doublage officielles en français. Oh, il y a 7 personnes qui doublent cette personne-là en français. Et ouais. Alors, tu peux faire les comptes. Et si tu me donnes les noms des 7, alors là, tu gagnes 3 têtes. T'as un t-shirt. Ah oui. Alors, est-ce que tu veux que je mette une musique d'attente pour que tu réfléchisses Les deux? Les deux, eh bien non, c'est Penelope Cruz. Tom Cruise n'en a que 4. Vous apprenez tellement de choses. C'est intéressant. On peut avoir les noms, s'il vous plaît? Alors. Non, on n'a pas le temps. Brice, mon nom signifie croix dans une langue européenne. Tom Cruise, Penelope Cruz ou les deux? Ça ne s'écrit pas pareil, mais. Oh. Et ça a bossé, hein? Il y a eu un piège avec le Brexit. Ah. Donc j'irai Penelope Cruz. Et non, c'est les deux. Parce que Cruz, ça veut dire croix, et Cruz, Tom Cruise, ça vient du néerlandais cruisen, qui veut dire croix. Voilà. Ah, oui, mais l'arrivée. Eh oui. On a parlé d'étymologie, pas de résultat du nom. Enfin, pardon, je veux pas mettre la mauvaise ambiance, mais bon, il y a un moment. Delphine. Ok, ok. Delphine. Bon, ceux qui me connaissent. Vous êtes de partout, hein. Là, il n'y a pas de problème. Hein. On n'est pas beaucoup aidé par chaud, le hein. public. Hein. Alors. J'ai été considéré par un magazine homme le plus sexy / femme la plus sexy du monde. Bah. Si j'ai le nom du ou des magazines, c'est encore un moment ils ont cartonné. Au moins elle. Alors. Un sondage public. Alors le public nous dit les deux. Est-ce que le public a raison? Selon le public ici, les deux. Alors est-ce que le public te fait gagner ce point? C'est presque le monde. Oui, c'est les deux. Ouais. Et ils ont 3, été en couple, 2, imagine, des filles, elles passent en tête. Il y avait moins de monde sur l'écran. Dernière question, parce que s'il y a égalité, il faut que je refasse un autre quiz. Ça va être... Mais bon, dernière question. Brice. Attention, Brice. Attention. Hein. Concentre-toi. Je suis sénateur républicain depuis 2013. Oh putain. Sérieux? J'adore. Je vais prendre l'avis du public aussi. Ouais. Alors Tom Cruise, Penelope Cruz ou les deux? Est-ce que c'est un piège? Est-ce que c'est un piège? Oh, alors ça me ressemblerait pas. On a dit depuis 2013. Les deux? Tom Cruise serait sénateur. Ah oui, c'est un homonyme. Est-ce que ce serait un homonyme? Mais républicain, c'est qui? Mais qui est les deux? Qui est une Penelope Cruz? Tom Cruise. Tom Cruise, non, c'est Ted Cruz. Ah non! Et c'est Delphine qui remporte le quiz, bravo Delphine! Mais non! C'est-à-dire, c'était aucun. La réponse, c'était aucun. Bravo Delphine, c'était serré. On a vraiment senti. Mais Brice, tu aurais chuté sur la Brice, allez, comme c'était beau, tu gagnes un sticker et un magnet. Merci. Que tu pourras coller sur ton frigo. Un très beau quiz. Merci. Ouais, bravo. Très renseignant. Ouh. Je ne sais plus où on en est. Qu'est-ce qui se passe? Tu prendras où? Tu prends après. C'est pas radiophonique ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce qu'on en était où? Ah oui, les films dans les années 2000. Oui. Nouvelle rubrique. New rubrique. Alors, dans les années 2000, on se fait trois petites questions. Dans quel film il n'aurait pas dû jouer? Dans quel film on aurait aimé qu'il joue? Et quel film il aurait carrément sauvé dans la décennie des années 2000? Serena, est-ce que tu as... On commence par... Ce que tu veux. Dans quel il n'aurait pas dû jouer? C'est compliqué. Parce que je pense que Valkyrie n'aurait pas dû exister et je n'aurais pas dû le voir. Déjà. C'est surtout ça. Déjà, D1. Mais par contre... Personne l'a vu. Combien de gens ont vu Valkyrie dans cette salle? Il y a du monde qui l'a vu. Oh putain, 3, 4. Ah, je suis choquée. Chiffre au box office, il y a beaucoup de monde qui l'a vu. Hein. Bah oui, quand même. Mais par contre, je pense que pour sa carrière, La Guerre des Mondes, même si c'est un gros blockbuster, tout ce que tu veux, ça lui a fait vraiment du mal. Et, alors, pas le film en lui-même, mais la promo. Ouais, la promo. Ah ouais. Oui, c'est la fin de, donc, de Spielberg. J'ai dit, pas des Guerres des Mondes, et il aurait pu faire un autre film avec Spielberg, chose que j'ai encore espoir qu'il fasse un jour, ouais. Dans l'espace. Voilà. Non, c'est... non, mais ah, non, oui. Je rigole. Tu mélanges tout. Non, mais voilà, ouais, je dirais pas de guerre des mondes. Pas de guerre et des mondes. Comme ça, une. Et peut-être un futur possible avec Spielberg et moins avec la scientologie. Ouais, ça serait bien. Ça serait bien. Plus de science-fiction, moins en de plus, scientologie. En plus, s'il n'aurait pas fait La Guerre des Mondes, il n'aurait pas fait Valkyrie, c'est sûr. Ah, c'est pas dit, ça. Ouais. Ouais, je sais pas. Bon. Ouais, moi, j'étais comme toi, en fait, j'étais sur en mode Valkyrie et Le Dernier Samouraï. Clairement, c'est pas une bonne idée de faire ces films. Ouais. Parce que c'est juste pour sa tronche. Mais je m'étais dit que tout basiquement, pas Vanilla Sky, parce que c'est de la merde. Ah ouais, c'est vrai, c'est de la merde. Et j'ai pas plus d'arguments que c'est de la merde. Voilà. Cool. Rubrique rapide. Super. Dans quel film t'aurais aimé le voir jouer, ou quel film carrément il aurait sauvé, sachant que dans les années 2000, il y a eu des bouses. Hein. Ouais, alors sauver, c'est un peu bizarre, parce que j'ai regardé les 10 pires films de tout le monde, de toujours. Ouais. Et il y en a 10, il y en a 6 dans les années 2000. Oh bah, donc, une belle décennie. Hein. Donc il y avait pas mal qui étaient poupou caca. Il n'y en a aucun qui est sauvable. Non, et je n'ai pas trouvé un film que je me dis, ah là, Tom Cruise, il aurait vraiment. Ouais. Moi, je me suis dit, dans Catwoman, il jouait le ballon de basket. Ah, peut-être ouais. Ça aurait fait un. Moi aussi, c'était pas ouf. Mais Catwoman, il aurait trop pu jouer. Catwoman. Ah, il aurait joué Catwoman. Ouais. Ça aurait été bien. Après, si, moi, j'avais vu il y a Les Visiteurs en Amérique. Bon, c'est toujours un vieux truc. Oui, j'aimerais bien voir Tom Cruise dans Les Visiteurs à la place de Jacouille, mais bon. Là, c'est aux États-Unis, ça lui fait moins loin. C'est vrai, c'est bien de Visiteurs en Amérique. Tu retrouves Jean Reno. Oui. Et dans quel film t'aurais aimé le voir jouer? Ah, je vais dire un truc que personne va aimer. Ah. J'aurais bien voulu le voir jouer dans Little Miss Sunshine. Ah ouais. À la place du père. Ah yes. Qui est un peu, tu vois, les mecs qui font les trucs justement développement personnel. Oui. Et je pense que ça aurait été bien pour lui, pour qu'il descende un peu. Ouais, quoi. Plus de films indés, des trucs indé, un peu où il est obligé de jouer. Et en plus, qu'il fait les brillants, mais après, tu vois la dégringolade de la défaite. Oui. Ça lui ferait du bien. Voilà. Et en plus, j'aime bien ce film. Bon. Ouais, quand même. Et toi ? Eh ben moi, je m'étais dit, mais c'est complètement con, parce que ça me ferait chier qu'il joue dedans, c'est Les Fils de l'Homme. Comme ça, il trace vraiment tous les meilleurs films de science-fiction des années 2000, voire de presque tous les temps. Mais c'est bien, ce film. Ah, il est super bien. Ah. Regardez Les Fils de l'Homme. Ou sinon dans La Momie, parce que La Momie, c'est bien, c'est rigolo, c'est con, c'est régressif. Et au moins, il aurait fait un truc d'action, tu vois. Mais il va faire La Momie. Non, mais pas celle-là. Oui, tu vois. Je sais. Tu vois, La Momie, la bonne version. Oui. Le truc fun, quoi. Voilà. C'est tout. Voilà. Après, j'avais noté d'autres trucs, genre j'aurais bien vu dans In the Mood for Love, juste pour la déconne. Truc qui n'a rien à voir. Tu vois, marche au ralenti avec des néons et tout. Ça aurait été génial. Ça aurait été génial. Ouais. À la place du dernier samouraï, là. Ah ouais, mon Dieu. Ça aurait été bien. Voilà, c'était nos recommandations de films sans Tom Cruise, mais qu'aille assis avec Tom Cruise, ça aurait été marrant. Donc, comme ça, tu le revois le film, tu t'imagines Tom Cruise à la place et. C'est bon, rigolo. C'est marrant. Alors, du coup, fin de rubrique, ça veut dire. Ça veut dire jingle, voilà. Oh, c'était pas prêt. Oui. Mais pas quiz, en fait, parce que c'est un test de personnalité. Ouais, des feuilles. Voilà, vous avez des feuilles. Vous pouvez écrire vos réponses sur ces feuilles. Vous avez des stylos. Vous avez des stylos. Il y a des stylos si vous voulez. Et c'est l'heure du test de personnalité de Cruise actuel pour savoir quel Cruise vous êtes dans les années 2000. Alors vos attentions, s'il vous plaît. Que vous soyez attentif. Très important. Allez. Ça va vous révéler qu'on parle de vous-même que vous ne connaissiez pas. Je ne sais pas. Donc il n'y a rien à gagner à part que vous allez ressortir avec une sensation d'être quelqu'un de nouveau. Se dire, ah, je suis comme Tom Cruise dans machin, dans truc. Si vous n'avez pas de papier, vous avez des téléphones portables où vous écrivez dessus. Dans non, à l'ancienne, papier stylo. Papier et après, stylo. Vous le mettez dans votre journal intime. Oui, avec la crise du papier, c'est très bien de jeter tout ça. Ouais, bravo, Serena. C'est vrai, pardon. Alors. C'est du vieux papier. C'est du recyclable. C'est les factures de Serena. Vous êtes prêts? Alors, On va procéder un peu vite parce qu'il y a beaucoup de lettres pour chaque truc. Donc répondez vite. Bon, vous avez compris. Ton déguisement préféré. Ouais. A. Pénis. B. Magicien. C. Juste un masque qui fait serial killer. D. Policier. E. Sombrero et poncho, plume et arc, tout ce qui est appropriation culturelle. F. Perruque, perruque. G. Miroir. H. Prêtre. I. Politicien. J. Chaîne en or et c'est parti. K. Pirate. Ah, voilà, vous savez. Là, pénis, eh bien, tu réponds aux questions. Chaque réponse a un lien avec un personnage de Tom Cruise. Ça semble bizarre, mais c'est exactement comme ça. Je l'ai pensé moi-même. Donc, A. C'est la vérité. Déguisement préféré. 2. Là, il faut accélérer. Hein. Oui, là, on est sur la rubrique la plus chiante à monter. Après, je vous préviens. 2. Donc, quoi qu'il arrive, c'est mort. En ce moment, tu as vraiment besoin A. d'une coupe de cheveux. B. vacances. C'est quelqu'un qui me dise la vérité. D. Un alibi. E. D'arrêter de boire. Peut-être. F. Un taxi. G. Un rhume. H. Arrêter le travail. I. D'une victoire, même petite. J. Danser. K. Apprendre l'allemand. C'est pour tout le monde ? C'est bon ? Ça continue. 3. On en a 12, mais on est au 3. Face aux critiques. Ça va aller. Face aux critiques, qu'est-ce que vous faites ? A. Silence et mépris. Pardon, je n'articule pas suffisamment. B. Fusil et moto acrobatique. C. Je me réfugie dans mon monde. J'écoute pas. D. Je m'en vais en courant. E. J'écoute, j'apprends, j'oublie. F. Tout me glisse, rien n'importe. G. J'ai fait une sieste. H. J'ai doute de mes amis, je les traite de pourris, traîtres, je nourris des suspicions. I. J'argumente, j'ai charme, j'admets, mais je relance sur les défauts de l'autre. Revanche. J. J'insulte, je domine, je suis l'alpha. K. Personne ne me critique, c'est moi qui critique. Alors, vous avez choisi ? C'est bien. 4. Vous êtes perdu ? Non, non, mais c'est pas grave. C'est pas très important, je veux dire, on n'est pas en train de sauver le monde, on est en train de découvrir c'est qui Tonton Cruise Totem. Donc ça va. 4. Mon ennemi juré. A. Les poils pubiens. B. Quelqu'un qui me copie, me connaît bien, il veut être moi. C'est mon ennemi juré, il veut être moi. C. Mes ex. D. Moi-même. E. L'alcool. F. Les mauvais conducteurs. Je ne sais pas pourquoi j'écris ça. C'est Renate Descroubes, le les mauvais conducteurs. Bon, disons ça. J'ai les colons. C'est ceux qui veulent coloniser. Coloniser. Colons dans ce sens-là. H. Oui, mes collègues au travail. I. Ceux qui ne se laissent pas coloniser. Donc les rebelles. Ceux qui ne se laissent pas coloniser. Tu vois la subtilité de la... J. Ouais. Les retardataires. K. Qui nous gouvernent. Ceux qui nous gouvernent. Tout le monde, c'est bon ? On est bien ? Je répète. Pardon ? Ah, les ex, c'est le C. Les C, c'est les ex. Attention à vos réponses. Vous seriez peut-être déçus. Oui, ça arrive souvent. 5. Cachette préférée. Allez, moitié de la route. Cachette préférée. A. Je me cache dans les livres de développement personnel. B. Ma baignoire. C. Les jeux vidéo. D. Chez mon ex. E. Un village paumé à une autre montagne. F. Je me cache dans la foule. La foule. G. Cave humide avec un ami. H. Périphérie, maison bourgeoise, un peu la vie plan plan. I. Dans l'autre pièce. Mystère. J. Sur la piste de danse. K. Dans ma famille. 6. Sur les murs de ta chambre. A. T'es trop fait. B. Je dors à l'extérieur, pas des murs. C. Photo de ta chérie. D. Photo du passé. E. Une armure. F. La liste de mes ennemis. J'ai rien, j'ai du mal à ranger, je pense pas à la déco. H, tableau acheté à Midika. I, des articles qui parlent de toi. J, mes murs sont en marbre, je vais pas les cacher. K, ton plan hyper complexe. Midika, pour les gens qui écoutent et qui sont pas de Toulouse, c'est comme le Roi Merlin, mais au centre-ville est très cher. Ouais, comme quoi il y avait déjà... Enfin, plus cher que le Roi Merlin. Tout le monde est bon. 7. Animal totem. C'est quoi ton animal totem? A. Une chatte. B. Un pigeon. C. Un chien décongelé. D. Un phénix. E. Un tigre blanc. F. Un coyote. G. Microbe. H. Un lapin. I. Un lion. J. Un dragon. K. J'ai pas d'animal totem. 8. Tu aimes. Tu aimes, tu aimes. Oula, merci. Tu aimes. On va avoir une livraison. A, Vania. Ah non, je voulais dire. Merci, Vania. Ça va, merci. Tu aimes. A. Les chignons. B. L'escalade. C. Les nanas bizarres. D. Ta famille. E. L'honneur. F. Les travails bien faits. G. Les baseballs. H, les déguisements. I, avoir raison. J, l'argent. K, la justice. Je répète. À chaque fois, le K, tu fais un... Ouais, c'est chiant, les K. Ouais, j'ai l'impression. Pas. 9. Mauvaise habitude. C'est quoi ta mauvaise habitude? A, tu t'endors sur les canapés. B, conduire très dangereusement pour séduire. C, coucher avec tout le monde. D, c'est droguer. E, squatter chez les gens qui t'aiment pas. F, sous-estimer tes proches. G, n'est pas dérangé. Hein? Qu'est-ce que j'ai? N'est pas manger chez toi. N'est pas. Non, non, j'ai quelque chose. Je sais plus. N'est pas manger bon, chez bah, toi. Le G, j'sais c'est plus. Le bonus. Je sais pas, je sais plus. Attends, c'était quoi? Ah oui, n'est pas rangé chez toi. Oui, pas être propre chez toi, quoi. C'est tout un bordel. Comme moi. C'est ça. G. H, mentir à ta femme, ton homme. I, chercher à plaire à tout le monde. J, dire ce que je pense tout le temps. K, rater mes plans. Ah, là, il y en a pas mal. 10, on est presque à la fin. Ta botte secrète. Ton arme secrète, ta botte secrète. A, présence scénique. B, escalade de ouf. C, mon héritage. Merci, papa. D, ça, j'arrive pas à me lire. Ah, une amie qui est surdouée, bien sûr. Ça, ma botte secrète, c'est mon amie qui est super forte. D. E, maîtrise du combat d'épée en bois. F, passer inaperçu. J'arrive à passer inaperçu partout. G, mes enfants ou la mécanique. Disons, si vous n'avez pas d'enfants, la mécanique. H, ma chérie, mon chéri. I, les médias. J, j'arrive à insulter de façon vraiment géniale. Super insulte. La top insulte. K, la résilience. Tout le monde, je répète, ça va? Oh, vous avez l'air d'être sûr sur vos bottes secrètes. Ah. 11. Ton style. Voilà, là, on va sur un truc un peu... A. Pantalon en cuir, torse nu. B. Ça passe partout. Ouais, c'est bien ça. Total black, veste en cuir. C. Petit bourge. D. Tout est dans les gants. E. Oriental chic. Oriental chic, un peu exotique, quoi. Chic. F, classique. G, casquette, blouson, jean. H, je m'habille toujours pareil depuis 10 ans. I, costard, cravate. Ou costard sans cravate. J, bretelles et bijoux. K, militaire, camouflage. Vous avez choisi? Tout le monde est bon? C'est la dernière, allez, on a fini. 12, ton moyen de déplacement. Non, ton moyen de déplacement. A, sur une scène. C'est un peu bizarre, mais c'est le seul truc que j'ai trouvé. Sur une scène. B, moto. C, Ferrari. D, course à pied. E, cheval. F, taxi. J'ai ferry, H, camion ou hélico. I, sous-escorte. J, limousine. K, tank. C'est pas simple. Vous pouvez dire aussi ton moyen de déplacement idéal, disons ça, parce que je me rends compte. Voilà. Maintenant, on va vous laisser compter le nombre de A, ouais, de B, de C, tout ça, machin. Allez, vous, allez, vous c'est avez parti. Le temps de compter. Comptez les lettres. Tous les A, tous les B, et vous comptez et vous la voyez, majorité que vous avez. C'est quoi votre majorité de lettres? J'ai une majorité de A, une majorité de C. Si vous n'avez pas, vous choisissez au pif maintenant. Oui. Si vous n'avez pas des majorités des lettres, vous allez dire A, A, B, C, D, K. Ah, vous tranchez. Vous tranchez. Ah, bah, je crois que c'est clair. Ouh. Oh putain, c'est vrai. Ok. Je pense qu'il il a triché. Ouais, c'est bien. Attention, vous êtes prêts? Vous avez choisi? Ok. C'est la révélation. Allez, on va faire vite. Majorité des A. Eh oui, tu es Frank T. Marquet de Magnolia, misogyne et macho, au passé difficile et au chignon facile. Des très gros problèmes avec les pères, oui. Je te conseille de lire ce que tu as sur les cœurs et faire une bonne sieste. Non, est-ce qu'il y a ah, des A? Il y avait des A? Ça, il n'y avait pas. Mais pas de A. Bon. De A, non. Majorité des B. On a des majorités mais... des B ou pas? Il y a des B. Oh, ah, il y a un B. Oh. Celui qui a triché, là. Tu es étonnante de Mission Impossible 2. T'adores les kitschs, les flammes, les explosions, un cœur choupi, certes, mais fais attention. Ton goût pour l'aventure t'amènera peut-être au bord du précipice. Ah. C. Est-ce qu'il y a des C? Ah, il y a un C. Oh non, désolé. Oh non. Ah, il y a deux C. Ah mince. Oh non, tu es David Ames de Vanilla Sky. Tu es obsédé par une nana ou un mec que t'as rencontré un seul soir. Bravo. Tu es plus trop beau, tu vieillis, oui. Mais bon, allez, la vie est pas ça et est pas dans les jeux vidéo. Je te conseille de sortir au soleil et faire une balade. Désolé. Des... Est-ce qu'il y a des dés? Deux dés. Tu es John Anderton de Minority Report. Tu aimes te défoncer, c'est vrai, mais tu es doué au travail. Tu as souvent raison et tu arrives à rester lucide quand il faut. Et c'est déjà ça. Bravo. Bravo les dés. Est-ce qu'il y a des dés? Dommage. Vous êtes le capitaine Nathan Algren de Dernier Samouraï. Tu es déprimé et t'as perdu la route. Je fais quoi? Je suis qui? C'est quoi ma place dans le monde? Je te conseille de voyager un bon coup et tu seras refait. Un tigre en toi peut encore rougir. Rougir, c'est bien. Rougir, c'est, ouais, bon. C'est bien. F, vous avez deux F? Oh, F, allez. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Attention, tu es Vincent de Collateral, pragmatique, intelligent. Tu es prêt à tout. Pour t'en sortir. Mais attention à toi, si tu ne deviens pas un peu choupi avec les autres, tu risques d'y passer. Alors les G. G. Des G. Ah, c'est bien. Tu es Ray. Il y en a? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de G. Tu es Ray Ferrier de la Guerre des Mondes. Bien aimé par tout le monde, ta famille te rapproche pas mal des choses, mais dans une invasion alien, c'est toi qu'on veut à nos côtés. Tu es peut-être pas exemplaire, mais tu sais survivre. Bravo! La qualité qui te servira jamais, quoi. Ouais, je suis bon en invasion alien. Bah, va savoir. Ça sert une fois par vie. Bah, il y en a pas d'ailleurs. C'est pas ouf. Tu vois. C'est bon. H, vous avez des H? Non, ouais. Tu es étonnante, intéressant. Mais dans un autre Mission Impossible. Mission et Impossible pas 3. J.J. Abrams. Ah! C'est pas la même. C'est posé, responsable. Tu as grandi ces dernières années. Il est temps d'être honnête avec toi et d'être honnête avec ton chéri et d'échanger des métiers. Point. C'est la vérité, hein, tout ça. I. I. Il y a des I? Oui. Oh. Là-bas, il y a du I. Oh là là, tu es le sénateur Jasper Irving de Lyon et Agneau. Aïe. Les adversités ne manquent pas, mais tu déchires tout et t'es sûr de toi. Attention, la confiance, c'est top, mais ne risque pas de tout Non, pardon. Mais ne risque pas tout pour tout réussir. Attention, on te regarde. Attention, hein. Mollo sur la confiance. Voilà. Attention, mollo sur la confiance, c'est ça. J. Est-ce qu'il y a des J? Moi, je suis J. Oh. Moi, c'était pour la déconne, parce que je savais ce que c'était. Quel enfoiré, celui-là. C'est Les Grossman des Tropiques sur les Thunder. Sous les Thunder. Tropiques sur les Thunder. Voilà, c'est ça. Sur les tonnerres. Sur le tonnerre. Tonnerre sur les tropiques. Tonnerre sur les tropiques. J'écris tropique sur les tonnerres. Je savais plus. Oh, pardon. Celui-là. Bon, il est drôle, il est à la classe, même s'il est moche. Il danse comme un dieu et ça boit du bon champagne. Et alors, santé. Voilà, tout simplement. Bien. Et cas. Donc, tous les gens qui restent, c'est du cas. Oh là là là là là là là là. Ouh, alors ça va faire mal. Si vous avez suivi, ça fait mal. Ok, ok, tu es l'héros colonel Klaus von Stauffenberg. Je sais pas comment dire. T'as toujours raison. Tu te bats, tu donnes tout. Oui, oui, t'es l'héros, on a compris. Mais il faut rester un peu choupi et trouver des défauts, sinon on ne t'aime pas. Voilà. Bravo. C'est pas. Pour tous les gens. Au, au. Voilà. Allez, nouvelle rubrique. Loin. C'est l'heure du Cruzomiteur. Eh oui, on fait un retour sur le Cruzomiteur. Parce que, pourquoi pas? J'avais pas de suite à cette intro, c'est bien. Le Cruzomètre, qu'est-ce que c'est, Serena? Eh bien, c'est une note entre 0 et 100 qu'on donne à la fin de chaque film pour dire, genre, ce film, ça nous a plu dans la carrière de Tom Cruise, c'est bien, c'est pas bien. C'est comme si on était ses parents, on s'est dit, ah non, Tom Cruise, qu'est-ce qu'il a fait? Ou c'est bien pour sa carrière, etc. Donc, on donne une note qui n'est pas forcément est-ce qu'on aime ou pas les films, mais est-ce que ça lui fait du bien ou pas? Parce qu'on l'aime bien. C'est un peu notre fils. Oui, c'est comme si c'était notre fils, c'est ça. Non, non, non. Mais on l'aime bien. Donc, alors, voilà. Donc, on a fait ça sur tous les films. On fait ça tout le temps depuis le début. Et là, je vais vous donner le classement des années 2000, de bas en haut, avec les pourcentages, pour vous donner... Pourquoi je pense du, pour du pire film au faire meilleur. Le pire film au meilleur, d'après les parents de Tom Cruise. Voilà. Qui, sûrement, sont morts. Non, sa mère Ah non, sa mère n'est pas morte. Pardon. Son père, on ne sait pas. C'était glauque. Ouais, c'est bon, allez, je reprends. Alors, en dernière place, 11e place des années 2000 pour nous, évidemment, avec 2,75%. Et 2,75%, c'est pas beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh ben, ce Valkyrie! Oh, bizarre! Oh, surprise! Le film qui sert à rien. Alors, Serena avait quand même poussé le vice jusqu'à mettre 0,5. Oui. C'est peu. C'est très peu. Alors, après, on va monter un peu en gamme parce qu'on arrive à 17%, ce qui est un score honorable pour Vanilla Sky. Caca. Ensuite, on monte encore d'un cran avec 35,5% pour Le Dernier Samouraï. C'est gentil. C'est gentil, oui, c'est on est gentil. On est mais très gentil. On a vraiment les Cruzomètres, il s'est empiré sur les années. On est de plus en plus gentil, je trouve. Non, pas vraiment. Par exemple, sur les décennies 2000, j'étais plus gentil qu'avant et toi, tu es plus méchante qu'avant. Ah, bah voilà. Donc quoi, tu vois. Yes. Alors, ensuite, on va monter avec 42% avec Lion et Agneau. Film dispensable, mais pas indispensable, quoi. Avec 42,5% Mission Impossible 3. Donc, on rappelle le plus mauvais Mission Impossible de tous les Missions Impossibles de la franchise. Avec 47,5% Mission Impossible 2, qui est un peu mieux, même si tout le monde pense qu'il est un peu moins bien, ce qui est faux. Oh. Alors là, on va arriver. Alors, faut savoir que les notes, c'est pas que nos deux notes. Des fois, on a des invités qui donnent des notes. Il y en a même qui ont pourri notre cruzomètre. Ouais. On va regardez le voir un là, peu plus tard. Ils sont là. Ils sont là en plus. Alors, avec 60,67%, nous avons La Guerre des Mondes, qui se classe 5e dans notre classement. En 4e position, avec 65%, Collatéral. Collateral. Avec 68% sur le podium. Minority Report. Et là, il y a eu un troll de l'espace avec 78,33% en deuxième place, Tonnerre sous les Tropiques. Ouais. Parce que Marilyn a mis 98%, ce qui a tout faussé. Et en première place, évidemment, le meilleur film des années 2000 avec Tom Cruise dedans, même s'il n'est pas sorti en 2000, mais bon, on s'en fout. C'est Magnolia avec 90,50%. C'est énorme, bravo. C'est bien, Magnolia. Il est bien ce film. Allez, j'ai d'autres chiffres après si vous voulez. Bon, j'ai fait plein de statistiques, vous voyez, des tableaux croisés dynamiques, c'est excellent. Serena, cette année, a donné en moyenne 45% au film. Je savais que tu allais faire ça. Et moi, j'ai donné 53,9%. Vous voyez un peu good cop, bad cop. Ouais. Et les invités ont donné 72,7% en moyenne. Les invités, vous êtes mous du cul. J'ai d'autres... Ah oui, après, j'ai d'autres chiffres. J'ai plein de chiffres. J'ai encore un autre tableau, vous voyez. Ça, c'est le tableau du box-office. On va faire un petit quiz pour rigoler. Le film qui aura coûté le plus cher, pour vous, c'est lequel ? Non. Mission Impossible 3, 150 millions, il a coûté cher. Il en a rapporté quand même 398 millions, c'est correct. Celui qui a coûté le moins cher. Lion et Agneau, 35 millions. Et, ah bon ? Et Magnolia, 37, hein, c'est pas beaucoup plus. Le plus petit cachet de Tom Cruise dans les années 2000, c'était quoi ? Collatéral ? Non. Le dernier samouraï. Non. Valkyrie, Magnolia. Magnolia, j'ai entendu Magnolia. Magnolia, 100 000 dollars. Une paille. Vraiment. Et quel est, par, à l'inverse, quel est le plus gros cachet qu'il a eu dans les années 2000, sachant que c'est le record. C'est la guerre des mondes. 100 millions de dollars. Pourquoi on donne à un mec 100 millions de dollars ? Franchement. Alors que l'abondance est finie, 100 millions le mec. Abusé. À l'époque. À l'époque. Après, le plus gros succès au box-office, qui nous fait dire que peut-être ces 100 millions n'étaient pas si mal dépensés, c'est La Guerre des Mondes avec 600 millions de dollars de box-office. Waouh. Voilà. Alors après, si vous aimez bien mettre des sous dans les trucs intéressants ou pas, Tom Cruise, dans les années 2000, tu mets 1 euro sur un film, tu dis tiens, je te file 100 balles et tu vas faire le film de Tom Cruise, et ben, ça te rapporte 3 fois ta mise. Et c'est vachement plus sécure que le loto. Parce que tu gagnes tout le temps des sous. Tu vois ? Ouais. Là, je vous ai perdu sur ce truc. Ouais, la rubrique économique, elle marche jamais. Mais si vraiment tu mets 10 bien. Euros dans un tote bag, ah, c'est 5, un tote bag. 5 euros dans ah, un tote bag, 2 épisodes financés. Ouais, alors là, c'est une bonne mise. Et après, pour juste dernier chiffre, Rotten Tomatoes, la moyenne pour tous les films des années 2000, c'est 67%, donc c'est plus gentil que nous. C'est bien ? Oui, c'est bien. Et toi, nul. Non, c'est Allociné que t'aimes pas, toi. Oui. Allez, fin de rubrique, ça veut dire. Quiz. Alors là, c'est le quiz qui nous a rendu célèbres, pas du tout. Est-ce que le public peut battre Serena ? Non. Eh ben non, en tout cas pas la motivation parce que c'est mou. Il nous faut une personne du public qui va se faire représentant, représentante du public pour essayer de battre Serena dans un concours de une bataille de répliques. C'est-à-dire que je vais donner des répliques de films où il y a Tom Cruise dedans. Ces répliques sont en français, mais elles sont traduites par Google d'une réplique en anglais. Et il faut retrouver le film. C'est pas facile. Mais c'est faisable. Donc il nous faut quelqu'un qui représente. Représente. Représente. Qui c'est qui représente ? De toute façon, je me rappelle plus de rien. Il y a un plébiscite pour quelqu'un qui s'appellerait Lolo. Lolo. Lolo et les publics. Alors, je vais donner les règles, vous inquiétez pas, ça va être très très facile. Aïe, aïe, aïe. Ah. Allez, choisis un micro parce que là, t'es entre deux. C'est alors. Super. Merci, Lolo. Donc je vais reposer les règles, qui sont... J'ai compris. Qui sont très simples. J'aime pas ces jeux. Mission Impossible. Un coup, c'est le public, un coup, c'est Serena. D'abord, je donne un indice, et vous pouvez décider, on prend la main ou on prend pas la main. Ah bon ? Ah. Non ! Si. Attends, mais c'est un coup. D'où tu dis non, c'est mes règles. Non. Alors, donc, vous choisissez, vous prenez la main ou vous prenez pas la main. Si vous prenez pas la main, c'est à Serena de répondre, sachant qu'une mauvaise réponse, c'est moins un point. Alors qu'une bonne réponse, c'est plus un point. Donc, si vous sentez que c'est chaud et tout ça. Bon, les indices, je vous le dis de suite, ils sont éclatés au sol. Mais vous pouvez quand même vous en sortir. Alors, nous allons donner d'abord, demander à le public, en la personne de Lolo. Alors, l'indice, ça, c'est échange. Est-ce que le public prend échange ou est-ce que le public laisse la main à Serena pour échange ? Échange. On prend. Vous prenez. Alors attention, donc je rappelle, hein, là je vous donne la phrase en français qui sort de Google. Hein. Nos échanges vont me manquer. Quel film dans les années 2000 Et vas-y, Marie. Faut que tu caches, papa. Marie, attends, quoi, vas-y. Mais si ouais. Ah, non, tu as... Droit, ah ouais, parce qu'il connaît. Non, elle n'a pas les droits. Non, elle connaît la réponse. Ah, il y a une embrouille dans le public. Ouais, bon. Nos échanges vont me manquer, c'est quoi? Non, nos échanges essayez, vont me manquer. Essayez, non. Allez, vous, là, vous refaites les films en accéléré. Donc c'est un moment... Ah, ça va. En tout cas, c'est sûr, c'est pas Tropic Thunder. Ok, vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Marie? Ah ben. Le dernier samouraï. Le dernier samouraï. Ça ne devrait pas dire. Je pense que là, ça va être chaud. Alors, Serena. Ça va être chaud. Ouais, vas-y. Es-tu prête? Oui, oui. Super prête. Alors, l'indice, c'est échec. Est-ce que tu prends l'indice? Bah échec. Oui, ouais, tu prends, ouais. Je prends tout. Ne l'aidez pas. Ne l'aidez pas. Si j'échoue, ils viendront pour vous. Ils viendront pour vous tous. Ah, vas-y, répète. Si. Si j'échoue. Ils viendront pour vous. Ils viendront pour vous tous. Trop facile. Si j'échoue. Mais moi, je le sais. Tu peux le dire en anglais, s'il te plaît. Of course. Oh. If I fail, they'll come for you. They'll come for all of you. Et vous pouvez remarquer que Google traduit plutôt pas mal. Alors. Si j'échoue, ils viendront pour vous. Ils viendront pour vous tous. J'ai aucune idée. Valkyrie. Valkyrie. Mais bien sûr, s'il échoue, ils meurent tous. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Bah oui, d'ailleurs. Alors, Lolo, public, indice, trou du cul. Est-ce que tu prends, est-ce que tu passes? On prend. On adore. Tu prends? Ouais. Attention. Ne t'en va pas, espèce de trou du cul, ne t'en va pas. Ne t'en va pas, espèce de trou du cul, ne t'en va pas. Ne t'en va pas, putain de connard. Ah, le public hésite. C'est le pitch final, c'est Magnolia. Ok, allez, Magnolia. Le public dit Magnolia. Bravo, le public. Il n'est pas tombé dans le piège. Ça fait plaisir, bravo, surtout bravo, le Serena. Là, on a un amateur, là. C'est bien, super. Allez, Serena. Boule de neige. Oui, je prends. Tu prends boule de neige. Attends, je n'ai pas noté les points du public. Sorry. Oui. Tu peux perdre un point, attention. Alors, bah, on gagne tout. On a juste roulé une boule de neige et on l'a jetée en enfer. Voyons maintenant quelles sont ses chances. Tropic Thunder. N'importe quoi, pas du tout. Non. C'est pas Tropic Thunder, c'était Mission Impossible 3. Non, 2. Trop pardon. Facile. Ouais, moins un. Alors, ça va, pour info, cette agressivité. Les films, peut y avoir plusieurs répliques d'un même film. Hein. Attention, c'est plus... Il faut donner tous les films du coup ou... Ouais. Il y a tous les films et des fois il y en a en plusieurs exemplaires. Public. Indice, idiot. On prend, vas-y, au moins. Vous prenez ? Ouais. Allez, même dans mes rêves, j'ai l'impression d'être un idiot sur le point de se réveiller. Même dans mes rêves, j'ai l'impression d'être un idiot sur le point de se réveiller. Oh, ça hésite de partout. Qu'est-ce qu'on a comme proposition pour moi ? Ah. C'est un piège peut-être, j'entends. Oui, je peux répéter. Même dans mes rêves, j'ai l'impression d'être un idiot sur le point de se réveiller. Oh non, enfoiré. Even in my dreams, I feel like an idiot who's about to wake up. Vous êtes d'accord? C'était pas le pire. C'était pas le pire. Ok, le public dit Vanilla Sky. Le public a raison. Ouais. 3-0. Serena. Ouais, vas-y. Fous le camp. Tu prends ou tu passes? Oui, je prends. Tu prends. Écoute, connard, je suis incroyablement occupé. Alors pourquoi ne fous-tu pas le camp d'ici avant que je ne t'arrache la bite et que je ne te la fourre dans le cul? Tropic Thunder. Ouais, ça, je pense que c'était assez évident. J'aurais bien voulu l'entendre en anglais, dommage. Alors, look, Foxtick, I'm incredibly busy. So why don't you get the hell out of here before I snap your dick off and jam it into your ass? Alors, public, en allemand, en allemand, bien sûr. indice, piégé. Est-ce que vous prenez ou est-ce que vous passez? Oui, on prend. Piégé. Piégé est peut-être un piège. Piégé. Attention. Je ne suis pas piégé, je vais vraiment le tuer. Je ne suis pas piégé, je vais vraiment le tuer. Concertez-vous, réfléchissez bien. Petite musique de... Je ferai ça au montage. Non, mais... Hein, Ça réfléchit à quoi là? Vous avez quoi, le public? Mission Impossible, Collateral. On entend quoi? Minority Report, on entend aussi. Il y en a un peu de tout, là. La phrase? Je ne suis pas piégé, je vais vraiment le tuer. Alors, on est sur quoi? Minority Report, ouais. Il a l'air sûr de lui. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit, le public? Le public dit Minority Report. Oh, le public a très bien réfléchi, c'est Minority Report. Oui, parce qu'ils ne sont pas complètement... C'est la grosse pile, quand même. C'est la grosse pile. Alors, Serena. Ah oui, mais c'est normal. Ça arrive chaque fois. Serena, tuer. Est-ce que tu prends, est-ce que tu prends? Dans le sens tuer ou... Mort. Oui, je prends. Je mourrai si vous ne me tuez pas. Oh non. t'as pas de je bol, mourrai si vous ne me tuez pas. Et c'est toujours dit par... Par Tom Cruise, ouais. Tout est dit par Tom Cruise. Oui, I die unless you kill me. C'est basique. Hein. Non, attends, vas-y, répète. I'll die unless you kill me. Donc, vas-y en français. Je mourrai si vous ne me tuez pas. I will die unless you kill me. Oui, c'est un peu bizarre. Je vais mourir si vous ne me tuez pas. Alors, essaye de réfléchir dans quel film il se passe cette situation ou s'il meurt, il revit. Les derniers samouraïs. Oh là là. Je sais pas. Mission Impossible 3. C'est mais encore non, mais les Missions Impossible sont tous pareils. Ah là là, zéro point pour Serena qui à peine gagne des points, les pères. C'est comme ça, moi. Public. Indice. Grand américain. C'est bon, on prend. Il a compris l'indice, je crois. Ok, c'est parti. Alors, waouh, vous êtes un grand américain. Cette nation vous doit une énorme dette. Maintenant, ferme ta gueule et laisse-moi faire mon travail. Le public est chaud et rapide et dit quoi, le public? Et concentré. Roi, lion et agneau. Et le public a dit lion et agneau, le public est tombé dans le piège, c'était Tropic Thunder. Ah non! Ça fait plaisir, ça relance le match! Alors. Pas tant, 3-0. Serena. Oui. Attaquez. Je prends! Ne comprenez-vous pas? Nous sommes attaqués. La guerre des mondes! Oui, la guerre des mondes! Ouais. C'est le point! C'est un point! C'est ton premier point? Ouais. Bah, c'est le premier que je garde. On va voir le prochain. Alors, attention, tout peut encore se jouer. Hein. Non. Oh, si. Lolo. Mais il y a 48 questions. Indice. Choix. Okay. Ouais, vas-y. Tu prends? Ouais, je prends. Enfin, vous prenez? Ok. Soyez rassurés de savoir que vous n'avez jamais eu le choix. Soyez rassurés de savoir que vous n'avez jamais eu le choix. Peut-être qu'il y a des films qui ne seront pas finalement. Et peut-être qu'ils sortiront pas, les films. Hein. Faites gaffe. Hein. Vous pouvez avoir la phrase? Oui. En anglais. En anglais. Take comfort in knowing you never had a choice. A choice. Choice. Very good. C'est cata. Alors... Je crois que j'ai entendu tous les films. Ouais. Magnolia. Là, il y a le doute. Ça sent le point qui perd, là. Le point perdu, là. Alors, que Lolo, dit le public? C'est à vous. Ok. Le public, après une grande concertation, a choisi Minority Report. Et le public s'est raté. C'était non. Collatéral. Mais bien sûr, je l'ai dit. Il y a embrouille, il y a bagarre. Serena. Oui. Progrès, est-ce que tu... T'as plutôt intérêt à prendre. Il faut des points. Il faut des points. Points sur les scores. 2-1. 2 pour le public, 1 pour moi. Mais non, vous avez perdu des points, les gars. Chaque point... Non. Mais vous en avez perdu 2. Allez, hop. Alors. Ah, ça va. Serena, t'es prête? Parce que là, tu peux remonter. Ouais. C'était quoi? Combien reste de questions? Progrès. Ouais, vas-y. Nous combattons une marque du mal qui pense que les 1300 dernières années de progrès humain sont une hérésie passible de mort violente. Attends, je me suis endormie. Vas-y, répète. Non, j'ai pas entendu. Je me suis endormie. Vas-y. C'est super violent. Nous combattons une marque du mal qui pense que les 1300 dernières années de progrès humain sont une hérésie passible de mort violente. We are fighting a brand of evil that thinks the last 1,300 years of human progress is heresy punishable by violent death. Les derniers samouraïs. Ah là là, c'était non. Moyen de revenir et non, c'était lion et agneau. Oh. Bon, il y en avait trop là, gardez le public, c'est la dernière question. Kiri. Vous ne pouvez pas perdre. Allez. À moins que... Non, vous ne pouvez pas perdre. Indice, un pas en arrière. Indice, vous prenez? On ne pas en arrière, on prend pas. Ah, vous prenez pas. Serena. Serena. Un pas en arrière. T'es prête? Maintenant. De toute façon, vous avez gagné. C'est vrai. Serena. Serena. Vas-y. Maintenant, je veux que tu fasses un pas en arrière et que tu baises littéralement ton propre visage. Bah, c'est beau, Tropic hein. Oui, c'est Tropic Thunder, tout à fait. Mais et c'est oui. Le public qui gagne. Ouais. Quiz. Bravo le public. Bravo. Alors, même s'ils n'ont pas vu les films. Ouais, c'est plus non, il y en a qui ont bien réfléchi. Si, non, parce qu'ils ont, ils ont fait histoire et plein de choses. En fait, ils ont été plutôt malins. Ouais, j'avoue. Alors, bah, oui. Allez, avant de se quitter, nous oui. allons donner nos souhaits pour les années 2010. 10. Allez, souhait. Mon souhait, ton c'est... Ton souhait, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux voir Tom Cruise devenir dans les années 2010? J'aimerais bien qu'il fasse plus d'action. Ah ouais, toi, t'es sur l'action. Ouais. Ah, c'est ouais. marrant. Ouais, j'aurais envie, tu vois. D'action, mais pas débile comme Mission Impossible 3. De la vraie action avec de vraies cascades, tu vois. Ah ouais, genre un Jack truc Reacher, un peu... Quoi. Ouais, voilà. Spoiler ah bon c'est bas. Et voilà, j'ai très envie de voir ça. Mais même Edge of Tomorrow, tu vois, j'aurais très envie de... Un truc comme ça, science-fiction, j'aimerais action. Bien un truc de science-fiction, science-fiction mec, action. Voilà, un truc okay, comme ouais, ça. Ok, super, tu t'es auto-spoilé. Mais ouais... Après, de toute façon, on sait qu'est-ce qu'il fait. Du coup, c'est compliqué de oui, mais projeter. Là, mais ouais, je me dis, action. Pas des films trop héros, historicaux, débiloches. Oui, plus action nouvelle, donc science-fiction dans les futurs, c'est ça. C'est plus qui va. Je veux pas qu'il réessaye de remettre en place un truc historique où il va se foirer lamentablement. Okay. Il en a fait deux, il s'est raté, et voilà, c'est fait. Raté, c'est raté. Allez, ça autre arrive. Chose. Science-fiction. Voilà. Et toi? Okay. Eh ben moi, je me suis dit comme perdu pour perdu, bah YOLO, comme disent les jeunes. Et YOLO. Du coup, enfin qu'il fasse peu importe, tu vois, qu'il fasse de tout, des films d'auteur, des films coréens. Enfin, ce serait, tu vois, là vraiment, en vrai, il a, tout est perdu. Il a plus sa boîte de prod, il a plus rien. Enfin, faut y aller, quoi. C'est vrai que les films coréens, ça serait bien. C'est ça. Après, j'ai abandonné l'idée, même si je continue de rêver secrètement d'un vrai film, un duo, tu vois, genre L'Arme Fatale, tout ça, tu vois, un truc dans ce genre. On ah, le voit genre, jamais faire Jackie un vrai Chan, duo. Jackie Chan, Tom Cruise, quoi. Ouais. Mm. Le seul super duo, c'est genre Redman, mais après, il fait que des trucs où il est tout seul, donc j'ai plus trop envie de ça. Et surtout, qu'il arrête de se prendre au sérieux, parce que, clairement, c'est les meilleurs films... des années 2000, c'est quand il se prend pas au sérieux, tu vois. Enfin, ouais, pour moi, les deux ça. Meilleures scènes des années 2000, c'est quand il fait le dans Magnolia, quand il fait le chien fou pendant l'interview, et quand il fait Las Grossman dans Tonnerre sous les Tropiques. C'est vrai que c'est peu le plus moment où il a le second degré, où ça devient hyper bien, et où il joue vraiment un truc. De l'action comique. L'action comique. Action coréenne. Comique, science-fiction coréenne. Voilà. Cherchez le film. Allez. Alors, Serena. Oui. Je vais mettre de la musique. Nous arrêtons ce live ici. Oui. Ah oui, si, oui, si, oui. Si, bien sûr que si. Après, bien on reste sûr. Ensemble, on boit des coups ici. Bon, sauf si vous êtes en train d'écouter le podcast. Enfin, on ne peut pas boire des coups avec vous parce qu'on ne peut pas se déplacer chez tout le monde. On se retrouve dans... On ne sait pas combien de temps parce que là, on a fait une grosse pause pour se reposer. Oui, pour les vacances. Pour les voilà, vacances. Pour les vacances, c'est ça, je cherchais voilà. le mot. Et là, on va peut-être faire une petite pause avant d'attaquer la dernière saison de Cruise Control, puisque forcément, ce sera la dernière parce qu'on va la faire vite. On va faire tous les films des années 2010. Et après, les films des années 2020, il faudra qu'on attende 2030 pour que ce soit terminé. Donc, ça va être on va pas vois, faire. On sera peut-être plus là, quoi. Je veux dire, on n'est pas à l'abri de, tu vois, météores, des trucs comme ça, quoi. Oui. Après, on prépare quand même d'autres petits trucs pour en attendant des petits formats un peu rigolos, un peu cons. Un peu, ouais. Un peu fun, quoi. Genre, j'ai pas entendu. Hein non, une non, suggestion j'ai entendu un truc. C'était quoi la suite? Schwarzenegger Control, ouais. Moi, j'aimerais bien Schwarzenegger. Ouais. J'avoue, ouais. Je suis très intrigué ouais, peut-être par peut-être on passera à autre chose. Non, on fera des podcasts de développement personnel après. Non, ou sinon, Sandra Bullock. Ah, moi, oui. J'aime bien, tu vois. Sandra Bullock. Côté féminin. Allez. La dernière star d'Hollywood. Allez, rom-com. Du coup, d'ici là, bah, vous faites comme d'habitude, vous allez sur les trucs, comment, les trucs des étoiles de. Bon, vous mettez des notes sur les étoiles de machin pour dire ouais. que le podcast c'était des bien. Cœurs, des étoiles. Vous en parlez à vos voisins, vos voisines. Ceux qui sont là, tant que vous êtes là, que vous vous emmerdez parce que je suis en train de parler, vous savez pas quoi faire, vous prenez votre téléphone, vous mettez des étoiles sur les trucs où on peut mettre des étoiles.